Allô mon pote, c'est moi je t'appelle. Tu te souviens qu'avec Isabelle, ça faisait un bail que je m'ennuyais. Et bien maintenant, ça y est c'est fait. Je suis devenu cœur solitaire. Je suis redevenu célibataire. Ça fait plaisir pour toi, mon poulet. Il y a du nouveau aussi de mon côté. Tu te souviens de ma voisine? Hier soir, c'est devenu ma copine. Je suis désormais casé, mon frère. Je ne suis plus célibataire. Très bien. Mais moi, je prends mon pied. T'imagines pas? Me rappelais plus que c'était comme ça. Sans une copine à mes côtés, la vie me fait tant délirer. C'est si bon d'être libre comme l'air. C'est si bon d'être célibataire comme un oiseau. Pour moi aussi maintenant c'est le Pérou. Retrouvailles avec des moments si doux. Tous ces morceaux de tendresse, tous ces petits baisers, ces caresses, tous ces instants éphémères où l'on n'est plus célibataire. C'est vrai que ça peut faire un peu envie. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Tu sais, je crois bien que finalement, je ne sais pas trop ce que je ressens. Je pense souvent à Isabelle. Va falloir que je la rappelle. J'ai décidément besoin d'elle. Je ne peux l'oublier. Elle est si belle. Moi parfois je me pose des questions. Est-ce qu'amour et bonheur dureront? Ne devrais-je pas en rester là avant que la tristesse ne soit là? Toutes ces questions qu'un célibataire a laissé loin derrière lui, en arrière. Je sais pas trop s'il faut se poser de questions. Célibataire.